S'il te plaît, assieds-toi. Petite mère, je pourrais presque t'appeler. Mère Géorgie aux mille douleurs. Celle dont on a volé les fils pour les envoyer à la guerre. Frappée à coups de poing et pleine d'espoir. Qui pleure quand elle reçoit une vache. Qui s'étonne si elle n'est pas battue. Petite mère, sois clémente envers nous, les damnés. Avouez-le que vous ne croyez pas au miracle. Mécréant, sans Dieu que vous êtes, je vous condamne, chacun de vous, à 500 piastres d'amende pour impiété. Non ! Et toi, petite mère, et toi, saint homme, videz un pichet de vin avec l'accusateur public et avec Adstack. Et la loi issue là, on veut comme un pain pour qu'on en mange tout ça, pour pour les mener son droit. Patraque, les petites gens trouvèrent enfin, enfin le compère que les fauchés pouvaient corrompre, c'était Adstack. Tout au long de deux années, sur balance trafiquée, il pesa les plaintes qui venaient en rac, distribuant sous la potence l'or impur de ses sentences. Avec les gueux, il était cul et chemise à sac. Alors, il fallait le temps du désordre. On vit revenir le grand-duc, revenir la femme du gouverneur. Il y a des gens bourrés, les fous bourrés étaient de nouveau en flamme. La peur s'empara. Chauvard, les jours de ton esclavage sont maintenant comptés, peut-être même les minutes. Je t'ai retenu le plus longtemps possible grâce aux morts inflexibles de la raison qui t'a mis la gueule en sang. Je t'ai foyé à coups d'arguments rationnels malmenés au moyen de la logique. Mais par nature, tu es un faible. Si par ruse on te lance un argument, il faut que tu te jettes dessus pour l'avaler. C'est plus fort que toi. Il faut toujours que tu te trouves un être supérieur à qui lécher la main. Ça, c'est dans ta nature. Et peu importe qui il est, cet être supérieur. Maintenant, te voici libéré. Tu vas pouvoir suivre tes penchants qui sont bas. Et ton infaillible instinct qui t'enseigne à planter ta semelle épaisse sur des visages humains. Car le temps de la confusion et du désordre est révolu, et elle n'est pas venue, cette grande époque que décrit la chanson du chaos. Tiens. Chantons-la ensemble encore une fois, en l'honneur de cette époque merveilleuse. Assieds-toi, et tâche de rester dans le ton. N'aie pas peur, on a le droit de l'écouter. Les gens aiment son refrain. Le fils du notable, nul ne peut le reconnaître. L'enfant de la maîtresse devient fils d'une esclave. Déjà des fonctionnaires au grenier cherchent refuge. Ce qu'à peine on laissait coucher sous les ponts, on se prélasse dans des lits. Celui qui ramait dans sa barque, il possède des navires. Et le maître des navires s'aperçoit qu'ils ne sont plus à lui. Cinq hommes furent dépêchés au service de leur maître. Ils disent, il n'a qu'à y aller. Lui-même, nous, on est arrivés. Réveille-toi, général. Pitié, pitié, rétablis l'ordre. C'est ce qui aurait pu arriver chez nous. Si l'ordre avait été négligé plus longtemps, mais le grand-duc, à qui moi, âne que je suis, j'ai sauvé la vie, et de retour dans la capitale, les persans lui ont prêté toute une armée pour qu'il rétablisse l'ordre. Les faubourgs sont déjà en flammes. Va me chercher le gros livre sur lequel je suis toujours assis. C'est le code. Je m'en suis toujours servi. Ça, tu peux en témoigner. Oui, pour t'asseoir dessus. Je ferais aussi bien de me plonger un peu dedans pour savoir ce qui pourrait me mettre sur les reins. Car j'ai toujours été indulgent pour les gueux. Ça, ça va me coûter chaud. J'ai aidé l'armée des pauvres à se dresser sur ses maigres pattes. Ils vont me pendre. Et pour ivresse, j'ai mis mon nez dans la bourse des riches. Ça, c'est un crime. Et je peux me cacher nulle part. Tout le monde me connaît. J'ai rendu service à tout le monde. On vient. Non, c'est la fin. Je ferai à personne le plaisir de montrer de la grandeur d'âme. Non, je t'en supplie. Ne t'en va pas. Et pitié de moi. J'ai plus de salive dans ma bouche. J'ai peur de mourir. Qu'est-ce que c'est que cet individu? Quelqu'un de docile, votre grâce, quelqu'un qui se met à votre service. Natella Abashvili, veuve du gouverneur Georgie Abashvili, est de retour. Elle recherche son jeune fils, Michel Abashvili. Elle a appris que l'enfant avait été emmené dans les montagnes par une ancienne domestique. On ramènera tout le monde à Tesserellissime, à vos ordres. Il paraît que cette personne fait passer l'enfant pour le sien. Il sera décapité à Tesserellissime, à vos ordres. C'est tout! Cet homme ne me plaît pas! Mais on va tout arranger à Tesserellissime, à vos ordres! Voici maintenant l'histoire du procès concernant l'enfant du gouverneur Abashvili et comment fut identifiée la vraie mère. Par la fameuse épreuve du cercle de craie. Il est brave! Il s'est déjà se laver tout seul! Tu as de la chance! C'est pas du tout un préjuge! C'est Hadzdark, un sac à vin qui comprend rien à rien! Grâce à lui, les plus grands voleurs ont été acquittés! Comme il mélange tout et que les riches ne lui grattent jamais assez la patte à son gré, il arrive que nous autres, on s'en tire pas trop mal avec lui! La chance! Il m'en fout! Ne dis pas le mot, ça porte malheur! Faut aussi bien dire vite un chapelet pour que le juge soit sous! Ce que je comprends pas, c'est pourquoi tu vas toute force le garder du moment que c'est pas le tien, par les temps qui courent. Oui, mais il est à moi. Et tu ne t'es jamais demandé ce qu'il vivrait s'il revenait? Oh, d'abord, j'ai pensé que je lui rendrais. Puis j'ai pensé qu'elle ne reviendrait plus. Et la vie que tu empruntes te tient chaud comme le tien. Je jurerai ce que tu voudras parce que tu es une personne honnête. J'avais pris en nourrice pour 5 piastres. Et Grouche avait venu le chercher le dimanche de Pâques au soir pendant les troubles. Mais envers Simon, tu as mal agi. Je lui ai parlé, ça ne lui rentre pas du tout dans la tête. Moi, s'il comprend rien, je peux pas m'occuper de cet homme. Il a compris que l'enfant n'était pas le tien, mais que tu sois marié plus du tout libre jusqu'à ce que la mort te sépare, ça, il peut pas le comprendre. Je voudrais faire savoir à la dame que je suis prêt à déposer sous serment. Le père de l'enfant, c'est moi. C'est bien, Simon. Je voudrais faire savoir aussi que cela ne m'engage en rien. Ni elle non plus. C'est pas la peine de le dire. Elle est mariée, tu sais bien. C'est son affaire. Pas besoin de me remettre ça sur le dos. Oui, juge. Quelqu'un veut juge. Mais devant moi, j'aurais jamais dû venir à Lucas si jamais je tombe sur le garde noir que j'ai assommé d'un coup de gourdin. Le juge n'est pas là. Espérons qu'il ne lui est rien arrivé. Avec un autre, tu sais les chances qui te restent. Autant que de temps à une poule. Allez, il y a rien que deux vieux et un enfant. Le juge, c'est débiné. Comme tu veux, je serai. Qu'est-ce qu'il y a, Chota? Tu la connais? Non. Il paraît que c'est elle qui a volé l'enfant à Abashvili. Si tu as des renseignements là-dessus, tu peux te faire un bon petit magot. C'était lui. Je crois qu'il va la boucler. Sinon, il serait forcé d'avouer qu'il pourchassait l'enfant. Je l'avais presque déjà oublié. C'est des mains de ces gens-là que j'ai sauvé l'enfant. Dios well, oui, il n'y a pas de gens du peuple ici. Je ne peux pas souffrir leur odeur et me donne la migraine. Je vous en prie, madame, surveillez vos propos dans toute la mesure du possible jusqu'à ce que nous ayons un autre juge. Mais je n'ai absolument rien dit, Lochoumolatzé. J'aime le peuple, son esprit simple et droit. C'est seulement que son odeur me donne la migraine. Il y aura plus de spectateurs. La plupart des gens se sont calfeutrés chez eux par crainte de troubles dans le faubourg. C'est ça? La personne? Je vous en prie, chère Natella Abashvili, abstenez-vous de toute invective jusqu'au moment où nous serons assurés que le grand-duc a nommé le nouveau juge et que nous sommes débarrassés du juge présentement en fonction qui est bien l'être le plus vulgaire que l'on ait jamais vu sous une robe de juge. Mais les choses ont bien l'air de bouger. Regardez! Tentative de fuite, c'est bien ça, hein? Il faut lui enlever sa robe de juge avant de le prendre. Il veut de la justice en vrac. J'en veux pas. Moi non plus. Garde-la. Pas question. Oh, j'en ai rien à foutre. Le bonhomme a été antipathique au premier coup d'œil. Oh, j'y vois plus rien. Donnez-moi un chiffon. Mais qu'est-ce que tu veux voir? Vous, chien. Dieu vous bénisse, chien. Comment ça va, les chiens? Comment va cette chiennerie de monde? Il pue. Il y a de nouveau des bottes à lécher. Vous avez recommencé à vous entregorger. Chien. Oh, voici l'édit du Grand-Duc concernant les nouvelles nominations. Mon commandant, vite ! À propos de la nomination du nouveau juge, la décision est la suivante. Nous nommons un homme auquel nous devons la sauvegarde d'une vie éminemment précieuse au pays. Un certain Aztac de Nuka. Qui est-ce ? Est-ce lui ? Est-ce la potence, votre excellence ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Permettez-moi de vous expliquer que sa grâce était déjà sa grâce et qu'elle a été dénoncée par ses riches paysans comme étant un ennemi du Grand-Duc. Amenez-les ! Veillez à ce que... Veillez à ce que sa grâce soit plus importunée dorénavant ! Elle a applaudi des deux mains ! J'espère qu'il l'a vue ! C'est une catastrophe ! Faut pas nous en vouloir, votre grâce. Je désire, votre grâce. Rien, cher camarade chien, une botte à lécher à l'occasion. Je te... Gracie, va me chercher du vin rouge, du doux. Dégagez, j'ai une affaire à juger. Quelque chose pour mon croup, pion. Je n'ai pas de préjugés. Oh, oh là là là. On ne remplit pas un puits avec de la rosée, comme on dit. Une affaire absolument ridicule, votre grâce. La partie adverse a enlevé l'enfant, j'aurais pu se le rendre. Une bien attirante personne. Bon, je déclare les débats ouverts, je vous prie de me dire toute la vérité, toi en particulier. Honorable Cour de justice, le sang, dit un adage populaire, est plus épais que l'eau. Cette antique sagesse... La Cour désire savoir quels sont les honoraires de l'avocat. Pardon ? Ah bon ? 500 piastres, votre grâce, pour répondre à la question inusitée de la Cour. Vous l'avez entendu, la question est inusitée. Je la pose parce que je vous écoute tout autrement si je sais que vous êtes un avocat de grande valeur. Ah, merci, votre grâce. Honorable Cour de justice, les liens du sang sont les plus forts de tous les liens. Mère et enfant, y a-t-il relation plus intime ? Peut-on arracher un enfant à sa mère ? Honorable Cour de justice, elle l'a conçu dans les saintes extases de l'amour, porté dans son sein, nourri de son sang, enfanté dans la douleur. Honorable Cour de justice, même la sauvage tigresse, si on lui ravit ses petits, on peut la voir errer sans repos à travers les montagnes, amaigrie jusqu'à n'être plus que l'ombre d'elle-même, la nature. Tu as répondu à cela et à tout ce que monsieur l'avocat va encore dire. Et à moi. C'est tout? J'espère que tu peux le prouver. En tout cas, je te conseille de me dire pourquoi je devrais, selon toi, t'attribuer l'enfant. Je l'ai élevé du mieux que j'ai pu. Et je lui ai toujours trouvé quelque chose à manger. La plupart du temps, il a couché sous un toit. À cause de lui, j'ai dû supporter tout un tas d'ennuis. Et aussi, il m'a occasionné des dépenses. Je ne regardais pas mon propre confort. L'enfant, je l'ai habitué à être poli avec tout le monde. Et dès le début, à travailler en s'appliquant de son mieux. Il est encore petit. Votre grâce, il est significatif que cette personne elle-même n'invoque pas le moindre lien du sang entre elle et l'enfant. La cour en prend acte. Merci, votre grâce. Permettez qu'une femme accablée sous le poids des épreuves qui a déjà perdu un époux et se voit maintenant menacée en outre de perdre son enfant vous adresse quelques mots. Vénérée Natella Bajvili. Un destin incroyablement cruel m'oblige à vous prier, monsieur, de me rendre mon enfant bien-aimé. Ce n'est pas à moi de vous dépeindre les tortures morales d'une mère qui s'est vue ravir son enfant. Ces angoisses, ces nuits d'insomnie. Enfin, c'est inouï comment on traite cette femme. On lui interdit l'entrée du palais de son époux, on lui bloque les revenus des biens du gouverneur, on lui déclare froidement qu'ils sont attachés à la personne de l'héritier. Enfin, sans l'enfant, elle ne peut rien entreprendre. Elle ne peut pas payer ses avocats. Chère, ils l'ont sous-sous-bobolassé. Pourquoi pas dire ouvertement qu'il s'agit, en fin de compte, de la succession en Bachevilly. Je vous en prie, cher Sandro-Bolatier, nous étions convenus. Bien sûr. Il est exact que l'issue du procès va également trancher la question de l'énorme succession en Bachevilly et du droit de notre noble cliente à jouir de ses biens. Mais notez-le bien, je dis également, c'est-à-dire qu'au premier plan se situe la tragédie humaine d'une mère, comme le signalait à juste titre Natella Bachevilly au début de sa bouleversante intervention. Lors même que Michel Bachevilly ne serait pas l'héritier de ses biens, il n'en resterait pas moins pour ma cliente, son enfant ardemment chéri. Attendez, attendez, le fait de mentionner les biens de la succession touche la cour comme une preuve d'humanité. Merci, votre grâce, cher Lolo, Lolo Blasé. De toute façon, nous sommes en mesure de prouver que la personne qui s'est emparée de l'enfant n'est pas la mère de l'enfant. Permettez-moi de soumettre à la cour les faits tout nus. Par un malheureux enchaînement de circonstances, l'enfant à Bachevilly, lors de la fuite de sa mère, se trouve abandonné. La dénommée Groucha, fille de cuisine au palais, était présente en ce dimanche de Pâques. Et on la vit qui tournait autour de l'enfant. Madame n'avait qu'une chose en tête, les robes qu'elle emporterait. Environ un an plus tard, la dénommée Groucha fit son apparition dans un village de montagne avec un enfant et contracta un mariage. Comment es-tu arrivée dans ce village de montagne? À pied! Votre grâce, c'était le mien. Je suis le père, votre grâce. J'avais pris en nourrice, votre grâce, pour 5 piastres. C'est toi qu'elle a épousé dans ce village de montagne? Non, votre grâce. Elle a épousé un paysan. Pourquoi? Il ne vaut rien au lit? Non, mais dis la vérité. Mais on n'a pas été jusque-là, hein. Je me suis mariée à cause de l'enfant, comme ça, il a eu un toit. Lui, il était à la guerre, votre grâce. Et maintenant, il veut se remettre avec toi. Je voudrais faire inscrire au procès verbal. Mais je suis libre, votre grâce. Et l'enfant, d'après toi, tu l'as eu en couchant à droite et à gauche? Bon, je te pose une question. Quel genre d'enfant est-ce? Une sorte de bâtard en guenille qui traîne dans les rues ou un mignon de famille aisée? C'est un enfant ordinaire. Non, non, non, non. Je veux dire, est-ce que tout petit, il présentait des traits raffinés? Il présentait un nez au milieu de la figure. Il présentait un nez au milieu de la figure. Je considère que tu m'as fait là une réponse importante. On me raconte de moi qu'un jour, avant de prononcer ma sentence, je suis sorti pour aller respirer un buisson de roses. Ce genre d'astuce me paraît bien nécessaire aujourd'hui. Maintenant, je vais expédier l'affaire sans plus écouter vos mensonges, les tiens en particulier. Je m'imagine tout ce que vous avez dû mijoter pour me rouler. Moi, je vous connais, vous êtes de sacrés menteurs. Oh, ben ça, je vous crois, hein, que vous allez expédier l'affaire, j'ai bien vu ce que vous leur avez soutiré. Boucle là, je t'ai soutiré quelque chose, peut-être? Forcément! J'ai rien! Voilà! C'est ça. De vous autres meurtres de faim, moi je reçois rien. Je pourrais crever la bouche ouverte. Vous voulez une justice, mais est-ce que vous voulez la payer? Quand vous allez chez le boucher, vous savez que vous devez payer. Mais vous allez chez le juge comme on va à un gueuleton d'enterrement. Ils amenaient leur cheval affairé. Et c'est un temps sur le cheval qui présentait ses pattes, comme on dit. Mieux vaut dénicher un diamant dans le purin qu'une pierre dans la clairefontaine. Belle journée! Si on allait à la pêche, dit le pêcheur à l'asticot. Je suis mon propre maître, disait le valet, et il se trancha le pied. Je vous aime comme un père, disait le tsar au paysan. Et il fit trancher la tête au tsarevitch, son fils. Le pire ennemi du fou, c'est lui-même. Mais le père n'a pas de nez. 10 piastres d'amende pour propos inconvenants devant la cour. Ça t'apprendra ce que c'est que la justice. Allez, propre! La justice, nous! Tu nous colles des amendes? Parce qu'on sait pas parler raffiné comme celle-là, là, avec ses avocats. Et voilà, c'est ça, vous êtes trop bête. Bien fait pour vous si vous faites taper sur les doigts. Parce que toi, c'est à elle que tu veux donner l'enfant, alors qu'elle est beaucoup trop distinguée pour avoir jamais su lui laver les fesses. T'en sais pas plus long que moi sur la justice, je te préviens. Oui, ça c'est assez vrai. Moi, je suis un ignorant, je n'ai que des lampeaux de pantalon sous ma robe de juge. Tiens, regarde, chez moi, tout passe au boire et au manger, j'ai été élevé par les moines. Alors, toi aussi, je te colle à l'amende, 10 piastres pour outrage à la cour. De plus, il faut que tu sois complètement idiote pour me braquer contre toi au lieu de me faire les yeux doux, de tortiller un peu les fesses pour m'amadouer. 20 piastres. Et quand ça serait 30? Je vais te dire ce que j'en pense de ta justice. Sac à main, bourré. Et comment tu peux avoir le culot de me parler là, comme le prophète Isaïe craquelé sur le vitrail de l'église, me parler comme un seigneur. Et quand on t'a sorti du ventre de ta mère, c'était pas prévu que tu lui tapes sur les doigts le jour où je suis passé une école de millet. Et ta honte de me voir grelotter peur devant toi, non. T'as accepté d'être leur valet pour empêcher qu'on leur enlève leur maison parce qu'ils les ont volés. Et depuis quand les maisons appartiennent aux punaises? Mais toi, tu fais le chien de garde, hein? Ça, ils pourraient pas traîner les hommes dans leur guerre. Vendu! J'ai aucun respect pour toi, pas plus pour un voleur ou un brigand avec son couteau là, il se croit tout permis, hein? Ah oui, tu peux m'enlever l'enfant, hein? Sans contraint. Je vais te dire une chose. Un métier comme le tien, on devrait le confier qu'à des violents enfants et à des prêteurs sur gage pour les punir, qu'on les oblige à siéger au-dessus de leurs semblables. Ce qui est pire que de se balancer au bout d'une corde. Ben maintenant, ça fait 30. Et je vais pas continuer à me bagarrer avec toi comme au cabaret. Ça offenserait ma dignité de juge. D'ailleurs, ton affaire ne m'amuse plus. Où sont les deux clients qui veulent qu'on les divorce? Amène-les, moi, je suspends l'audience dans cette affaire pour un quart d'heure. Si nous ne produisons plus aucun argument, madame, le jugement est dans la poche. Je l'ai mis à dos, maintenant il va te refuser l'enfant. Salva Michel. Bon, je n'ai pas de préjugés. Bon, on me dit que vous voulez divorcer. Depuis combien de temps êtes-vous ensemble? 40 ans, votre grâce. Et pourquoi voulez-vous divorcer? Nous n'avons pas de sympathie l'un pour l'autre, votre grâce. Depuis quand? Depuis toujours, votre grâce. Bon, je vais réfléchir à votre souhait. Je prononcerai ma sentence quand j'en aurai terminé avec l'autre affaire. J'ai besoin de l'enfant. J'ai vu que tu as du goût pour la justice. Je te crois pas, c'est pas ton enfant. Si c'était le tien, ma fille, tu voudrais pas qu'il soit riche? Tu n'aurais qu'à dire que ce n'est pas le tien. Aussitôt, il aurait un palais. Dans toute la Géorgie, personne n'aurait tant de chevaux dans ses écuries, tant de mendiants à sa porte, tant de soldats à son service, tant de solliciteurs à sa cour. Hein? Qu'est-ce que tu réponds à ça? Tu veux pas qu'il soit riche? Voici ce qu'elle pensait, ne disait pas. Dans sa colère, s'il portait les souliers d'or, il piétinerait les faibles. Il ferait des malheureux et pourrait en rire. Un cœur de pierre est trop lourd à porter, car c'est épuisant d'être important et malfaisant. Il craindra la faim, mais pas les affamés. Les ténèbres lui feront peur, mais pas la lumière. Femme, je crois que je te comprends. Je n'oserai pas. Je l'ai élevé. Il me connaît. Il est en guenille. C'est pas vrai. Il m'a pas laissé le temps de lui mettre sa belle chemise. Il vivait dans une porcherie. Je suis pas un cochon, mais il y en a d'autres. Où est-ce que tu l'as laissé, ton enfant? Je vais t'apprendre à vivre! Personne ne gagne! Tu te criminel! Le fouet! Il faut lui donner le fouet! Cher Bertel Lambachvili, vous aviez promis! Votre grâce, le nerf de la plaignante! Plaignante et accusée, la cour a écouté vos dépositions, elle n'est toujours pas en état d'établir qui est la vraie mère. Et en ma qualité de juge, j'ai le devoir de choisir une mère pour cet enfant. Je vais procéder à une épreuve. Chauvin, prends un morceau de craie et trace un cercle sur le sol. Place l'enfant à l'intérieur du cercle. Vous, la plaignante, et vous, l'accusé, placez-vous à côté du cercle. Toutes les deux. Prenez l'enfant par la main. La véritable mère aura la force de tirer l'enfant hors du cercle. Honorable Cour de justice, je proteste! Il est inadmissible que le destin de l'énorme succession à Bachvili qui est liée à l'enfant en tant qu'héritier puisse dépendre d'un duel aussi aléatoire. Et j'ajoute ceci, ma cliente ne dispose pas d'une force égale à celle de cette personne qui est habituée à accomplir des tâches physiques. Elle m'a l'air bien nourrie. Tirez. Quand je vous le disais, il y a du sang. Qu'est-ce qui te prend? Tu n'as pas tiré. Je ne tenais pas bien. Votre grâce, je retire ce que j'ai dit contre vous. Vous demandez de me pardonner, si seulement je pouvais...